Un champ de bataille dans ton appartement que j'ai laissé en ruine. Ce n'est que le commencement. Va chercher tes affaires sur le bon coin. Le reste, j'en fais un très bon feu de foin. Chien, tout a laissé vite. Le dos tourné et vif. Pourtant, toi à mes côtés, c'était le tsunami. J'ai allé croire une fois de plus à ton baratin. J'appelle mes frères, tu finiras dans un baratin. Yégri, yégri, mon chéri, tu t'es fait yégri. Yégri, yégri, j'étais trop bien pour toi. Tour de nos amis en commun pour me saler avec tes sales versions.